Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle écrite par Richard Matheson. Elle est parue aux éditions Oswald sous le titre de Une aiguille en plein cœur. Richard Matheson est né en 1926 dans le New Jersey. C'est un romancier, nouvelliste, scénariste. Il a participé à la quatrième dimension, cinquième dimension, Star Trek, Duel. C'est un genre de suspense et de fantastique. Les thèmes restent souvent axés autour d'une situation en apparence normale et qui, par un phénomène scientifique mal défini, mais rationnel, perd le contact avec la réalité. Donc aujourd'hui, le titre « Funérailles ». Je commence. Morton Sicklin était dans son bureau en train de rêver à des décorations florales pour les obsèques Beaumont, lorsque les accents carillonnants du cantique « Je vais rejoindre l'invisible cœur » lui annoncèrent l'entrée d'une personne au magasin du catafalque à prix réduit. En clignant des paupières pour chasser toute trace de méditation de ses yeux d'hépatique, Sicklin joignit les mains en une attitude placide, puis s'adossa au cuir noir de son fauteuil, un sourire de bienvenue funèbre aux lèvres. Dans le calme du couloir, des pas résonnaient malgré les pétapis, des pas tranquilles. Juste avant que l'homme de haute taille entrât, la pendulette de bureau vibra discrètement pour annoncer 7h30. Se levant, comme s'il eût été surpris en plein tête-à-tête avec l'ange étincelant de la mort, Morton Sicklin se leva et contourna son bureau, poli, à pas feutrés. Puis, il tendit une main au doigt flasque. « Bonsoir, monsieur, » susurra-t-il, son sourire mêlant avec précision la sympathie et la bienvenue. Sa voix mesurant la déférence à un fil. La poignée de main de l'homme fut sèche à faire craquer les os, mais Sicklin parvint néanmoins à réprimer sa réaction qui ne se trahit que par un court sillement de douleur en ses yeux jaunes. « Asseyez-vous, je vous en prie, » murmura-t-il en agitant sa main meurtrie dans la direction du fauteuil réservé à l'endeuillé. « Merci, » dit l'homme d'une voix polie et caverneuse en s'asseyant. Il déboutonna son manteau à col de velours et posa son chapeau foncé à bord roulé sur la plaque de verre du bureau. « Je m'appelle Morton Sicklin, » déclara Sicklin en contournant de nouveau la table pour regagner son fauteuil. Il se posa sur son coussin comme un papillon méfiant. « Asper, » se présenta l'homme. « Permettez-moi de vous dire que c'est pour moi un honneur de faire votre connaissance, monsieur Asper, » ronronna Sicklin. « Je vous remercie, » dit l'homme. « Voyons donc, » reprit Sicklin, se plongeant dans le bain de l'affliction, « que peut faire la maison Clunet pour alléger votre peine ?» L'homme croisa les jambes. Il portait un pantalon foncé. « J'aimerais faire organiser un service funèbre. » Sicklin inclina brièvement la tête, arborant le sourire qui disait « Je suis ici pour vous assister. » « Évidemment, monsieur, vous êtes venu au bon endroit. » Son regard s'éleva de quelques centimètres vers l'au-delà. Quand les bien-aimés gisent sur la couche solitaire du sommeil éternel, récita-t-il, c'est à Clunet de les border. Son regard revint sur terre, son sourire traduisit la modestie et l'obéissance. « C'est M. Clunet qui a trouvé cela, dit-il. Nous aimons le répéter à ceux qui viennent chercher consolation chez nous. »« Très joli, très poétique, » fit l'homme. « Mais venons-en au détail. Je voudrais louer votre plus grande chapelle. Je vois. Silkline ne se retint qu'à peine de se frotter les mains. Ce serait notre chapelle de l'éternel repos. L'homme acquiesça aimablement. Très bien. Et je désirerais également acheter votre cercueil le plus coûteux. Silkline eut toutes les peines du monde à réprimer un sourire jovial. Ses muscles cardiaques se contractèrent vigoureusement pour expulser des flots de sollicitude émue à la surface de son visage. « Je suis certain que cela peut s'arranger, » dit-il. « Avec des ornements en or ?» s'enquit l'homme. « Mais bien sûr !» affirma le directeur Silkline en claquant de la langue tout en avalant sa salive. « Je suis certain que la maison Clounet est en mesure de vous donner toute satisfaction en ce moment de deuil douloureux. » « Naturellement !» sa voix se modifia d'un ton pour s'adapter des condoléances à la finance. « Cela entraînera quelques frais de plus qu'il y aurait eu. Autrement, peu importe les frais, » fit l'homme en balayant la question d'un geste. « Je désire seulement tout ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines. »« Il en sera ainsi, monsieur, je vous le garantis, » affirma Morton Silkline avec ferveur. « Excellent. Voyons. » reprit vivement Silkline. « Désirez-vous que notre collaborateur, M. Mosnunt, prononce son fameux sermon en passant la grande frontière ? Ou envisagez-vous une cérémonie selon un rite spécial ?»« Inutile, » dit l'homme en hochant pensivement la tête. « Un de mes amis prendra la parole lors du service. »« Ah, je vois. » Silkline hocha la tête. Il se pencha et prit la plume d'or sur son support d'onyx, puis, de deux doigts de la main gauche, il tira une formule de demande de la boîte d'ivoire posée sur son bureau. Il releva la tête avec l'expression accréditée pour en venir aux questions douloureuses. « Puis-je vous demander le nom de la personne défunte ?»« Asper !» dit l'homme. Silkline le regarda en souriant poliment. « Un parent ?»« Moi-même, » dit l'homme. Le rire de Silkline fut une toux étouffée. « Je vous demande pardon, » dit-il. « J'ai cru vous entendre dire. »« Moi-même, » répéta l'homme. « Mais je ne... » « Écoutez, » expliqua l'homme, « je n'ai encore jamais eu un enterrement convenable. Cela s'est toujours passé au petit bonheur, pourrait-on dire. Toujours de l'improvisation. Rien de, comment dirais-je, de bon goût. » L'homme remonta ses vastes épaules. « Je l'ai toujours regretté et je me suis toujours promis d'y remédier. » Morton Silkline avait reposé d'un geste décidé la plume sur son support. Et il s'était dressé, animé d'une colère violente. « Vraiment, monsieur » observa-t-il. « Vraiment !» L'homme parut surpris de l'indignation de Morton Silkline. « Je » commença-t-il. « Je suis aussi prêt que quiconque à plaisanter à l'occasion, » coupa Silkline. « Mais jamais pendant les heures de travail. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'endroit où vous vous trouvez, monsieur. » Vous êtes dans la maison Clounet, une entreprise de pompes funèbres fort respectée, et non dans un lieu où l'on se livre à d'aussi grossières farces où... » Il se tassa et, bouche bée, regarda fixement l'homme vêtu de noir, qui s'était levé soudain, les yeux brillants d'un éclat tout à fait déplacé. « Ce n'est nullement une plaisanterie, » dit l'homme d'une voix venimeuse. « Ce n'est pas ?» Silkline ne put en dire davantage. « Je suis venu ici avec le propos le plus sérieux à l'esprit. » Ses yeux brillaient à présent comme des charbons ardents. « Et je compte voir se réaliser mes projets, c'est compris ?»« Je... »« Mardi prochain, » poursuivit l'homme, « à 8h30 du soir. Mes amis et moi arriverons ici pour le service. Vous aurez tout préparé d'ici là. Vous serez payé en totalité, immédiatement, après les obstacles. Avez-vous des questions à poser ? Inutile de vous rappeler, coupa l'homme en prenant son chapeau, que cette affaire est pour moi de la plus haute importance. Il fit une pause impressionnante avant de laisser sombrer sa voix à un registre menaçant de basse profonde. Je compte que tout se passera bien. Avec un soupçon d'inclinaison du buste, l'homme fit demi-tour et franchit en deux pas majestueux le bureau pour s'arrêter un instant à la porte. Encore un détail, ce miroir dans l'entrée. Enlevez-le. Ainsi que, si vous le permettez, tout autre miroir que mes amis et moi pourrions trouver par hasard pendant notre séjour dans vos chapelles. L'homme leva une main gantée de gris. À présent, bonsoir. Morton Silklin parvint dans l'entrée au moment où son client s'envolait par une petite fenêtre. Subitement, Morton Silklin s'abattit sur le plancher. Ils arrivèrent à 8h30. Ils bavardaient en entrant chez Clooney, où les accueillit un Morton Silklin aux jambes flageolantes, dont les yeux étaient largement cernés par une succession de nuits blanches. « Bonsoir ! » lui dit l'homme de haute taille, remarquant avec une aimable inclinaison de tête l'absence du miroir mural. « Bon !» fut le maximum que Silklin peut émettre. Ses cordes vocales se détendirent et ses yeux, brouillés d'étonnement, se portèrent de silhouette en silhouette parmi l'entourage de l'homme de haute taille. Un bossu, au visage rabougri, qu'il entendit appeler Igor. Une vieille femme au chapeau pointu qui portait sur ses épaules enveloppées d'un linceul un chat noir. Un homme corpulent, aux mains poilues, qui faisait s'entrechoquer ses dents jaunes et observait Silklin d'un œil évaluateur et intéressé. Un petit homme aux traits cireux qui se passait la langue sur les lèvres et souriait à Silklin comme s'il eût joui d'une satisfaction intime. Enfin, une demi-douzaine d'hommes et de femmes en tenue de soirée, avec des yeux et des lèvres rouges cerises et, Silklin en frémit, des dents superbes. Silklin s'appuya au mur, la bouche béante, les mains tremblant faiblement à ses côtés, tandis que la bavarde compagnie passait devant lui pour se rendre dans la chapelle de l'éternel repos. « Venez avec nous !» lui dit l'homme. Silklin s'arracha du mur par saccades et les suivit, trébuchant et titubant dans le foyer, les yeux comme des soucoupes sous l'effet de la stupeur. « Je compte que tout est dûment préparé !» dit l'homme d'un ton plaisant. « Oh !» gargouilla Silklin. « Oh, oui !»« Parfait !» dit l'homme. Quand ils entrèrent tous les deux dans la salle, les autres étaient groupés en demi-cercle admiratif autour du cercueil. « Jolie !» marmonnait à lui-même le bossu. « Jolie boîte !»« Hé, hé, hé, pour un cercueil, c'est un cercueil, hein, Delphinia ?» caqueta la vieille femme, et Delphinia, du haut de son épaule, lui répondit « Miaou !» Pendant ce temps, les autres hochaient la tête, arborant des sourires ravis et se murmurant des « Ah, ah !» Puis, l'une des femmes en robe du soir dit « Laissez Ludwig le voir !» et le demi-cercle s'ouvrit pour livrer passage à l'homme de haute taille. Il passa ses longs doigts sur les ornements d'or, le long des côtés et sur le couvercle du cercueil, avec des hochements de tête satisfaits. « Splendide !» murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « Tout à fait splendide ! Exactement ce que j'ai toujours désiré !»« Vous avez choisi merveille, mon garçon, dit un homme grand, aux cheveux blancs, à l'accent d'Europe centrale. « Eh bien, si tu l'essayais pour voir !» fit la vieille en gloussant. Avec un sourire enfantin, Ludwig se hissa dans le cercueil et se tortilla pour se mettre en place. « Parfaitement ajusté, » dit-il, satisfait. « Mais très beau !» marmotta Igor en branlant du chef. « Beau, dans une jolie boîte !» Ensuite, l'homme aux mains poilues leur demanda de commencer, car il avait un rendez-vous à 9h15. Tous se précipitèrent vers leurs chaises. « Venez, mon amour !» dit la vieille en agitant une main décharnée dans la direction de Silklin pétrifié. « Asseyez-vous près de moi. J'aime bien les jolis garçons, pas vrai, Delphinia ?» Delphinia fit « Miaou !»« Je vous en prie, Jenny !» pria Ludwig Asper en ouvrant un instant les yeux. « Soyez sérieuse, vous savez ce que cela représente pour moi. » La vieille haussa les épaules. « Ouais, ouais !» murmura-t-elle. Puis, elle ôta son chapeau pointu, fit bouffer ses boucles humides, tandis que Silklin, raide comme un zombie, s'asseyait en tremblant auprès d'elle, guidé par la main secourable du petit homme aux traits de cire. « Salut, joli garçon !» murmura la vieille en se penchant, en plantant un coude aigu comme un javelot dans les côtes de Silklin. Ensuite, l'homme aux cheveux blancs de la région des Carpates se leva et le service commença. « Mes chers amis, dit-il, nous nous sommes réunis entre ces murs en guirlandais de fleurs pour rendre hommage à notre camarade Ludwig Asper, que les sorts pieux et inflexibles ont décidé d'arracher à l'existence et de placer dans ce froid sarcophage pour toute l'éternité. « Sigi, murmura quelqu'un, le chant du cygne, dit un autre. Igor pleurait et le petit homme au visage de cire, assis de l'autre côté de Morton Silklin, se pencha pour lui murmurer « Quel goût exquis !» Mais Silkin n'était pas sûr qu'il s'agit de l'oraison funèbre. Et c'est ainsi, poursuivit le gentilhomme des Carpates, que nous assemblons nos amertumes autour de cette bière, celle de notre ami, autour de ce lit de chagrin, de ce cairn, de ce cromlech, de ce tumulus déshérité. On ne comprend pas, on ne comprend pas, protesta Jenny en tapant de son pied impatient à la chaussure pointue. « Miaou !» fit Delphinia et la vieille adressa un clin d'œil injecté de sang à Silklin qui se contracta avec le seul résultat de frôler le petit homme qui le fixa de ses yeux comme des grains de cassis en lui murmurant une fois de plus « quel goût exquis !» Le gentilhomme aux cheveux blancs s'interrompit assez longuement pour braquer son nez royal et son regard sur la vieille, puis il reprit. « Cette masse tabac, ce bosquet de larmes, ce gâte, ce terrible dogma. « Qui dit ?» demanda Igor au milieu d'un sanglot. « Quoi ? C'est pas un tournoi d'éloquence, mon ami !» déclara la vieille. « De la vitesse, voilà ce que je dis !» Ludwig, dans son cercueil, leva de nouveau la tête avec une expression chagrine et gênée. « Jenny, dit-il, je vous en prie !»« Ah, dent de crapaud !» s'écria méchamment la vieille et Delphinia se lamenta. « Resquisca sin space, mon cher frère, poursuivit le comte avec humeur. Ton souvenir ne périra pas en même temps que cette sépulture malvenue. Cher ami, ce n'est pas que tu sois hors du jeu, tu joues toujours sur un autre terrain. » Là-dessus, l'homme aux mains poilues se leva soudain et sortit lourdement de la pièce en criant avec un accent guttural « On y va !» Et Silklin se sentit devenir de glace en entendant décroître un piétinement de pieds griffus sur le tapis de l'entrée et des aboiements à la mort se répercuter au long des murs. Hullgate dit qu'il a rendez-vous pour dîner, fit à part le petit homme souriant, les yeux brillants. La chaise de Silklin se mit à craquer tant il tremblait. Le gentilhomme aux cheveux blancs se tenait droit et silencieux. Il avait clos ses yeux rouges et serrait les lèvres avec un dédain aristocratique. « Comte, plaida Ludwig, je vous en prie. Dois-je supporter ces vulgaires calomnies ?» demanda le comte. « C'est... Hé, tralala !» chantonna Jenny à son chat. « La paix, femme !» gronda le comte, dont la tête disparut un instant dans un voile de vapeur blanche pour reparaître quand il parvint à se dominer. Ludwig se mit sur son séant dans le cercueil, le visage tordu de fureur. « Jenny, dit-il, je pense que vous feriez mieux de vous en aller. Tu voudrais ficher à la porte la vieille Jenny de Boston ?» le défia la vieille. « Eh bien, dans ce cas, tu sais ce qui va arriver. » Et, sous les yeux de Silkine, tout recroquevillé, la vieille se coiffa de son chapeau pointu, tandis que de petits éclairs s'allumaient du bout de ses doigts. Delphinia fit le dos rond et hérissa son poil noir, comme le comte s'avançait le bras tendu pour empoigner l'épaule de la vieille, avant de se raidir au milieu d'une enjambée, tandis qu'un feu crépitant l'entourait. « Croissa Jenny, et Silkin, frappé d'horreur, s'étouffa. Mon tapis !»« Jenny !» s'écria Ludwig en descendant de son cercueil. La vieille gesticula et toutes les fleurs de la pièce se mirent à éclater. « Non !» gémit Silkin en voyant les rideaux s'enflammer et se déchirer. Les chaises se culbutèrent. Le comte se carbonisa en une décharge blanche et sifflante qui se précipita sur Jenny, laquelle leva vivement les bras et disparut, chat et le reste, en une écume orangée, tandis que l'air s'emplissait de cris perçants et de battements d'ailes. Juste avant que Morton Silklin, les yeux exorbités, s'écroule sur le sol, l'homme au visage de cire se pencha, souriant à pleines dents, lui serra le bras et murmura « Goût exquis !» Puis Silklin ne fit plus qu'un avec le tapis. Morton Silklin était affalé dans son fauteuil de cuir noir. Il était encore agité de tremblements, bien qu'une semaine se fût écoulée depuis ces événements à glacer la moelle. Sur son bureau gisait la note que Ludwig Asper lui avait épinglée sur la poitrine pendant qu'il était sans connaissance. « Monsieur, agréé, outre ce sac d'or, qui, je l'espère, couvrira tous les frais, mes regrets que mes invités n'aient pas observé tout le décorum à mes funérailles. En effet, à part cet incident, tous les préparatifs m'ont paru des plus satisfaisants. » Silklin reposa la note et caressa amoureusement la petite colline de pièces étincelantes sur son bureau. Après de judicieuses recherches, il avait obtenu l'information qu'une relation d'affaires au Mexique, en fait le neveu de l'embaumeur de la maison Carillo, la catacombe à prix réduit, pouvait écouler cet or en toute sécurité pour leur profit mutuel. Tout bien considéré, ce n'avait pas été une si mauvaise affaire. À ce moment, Moron Silklin leva les yeux car quelque chose pénétrait dans son bureau. Il aurait bien voulu faire un bond en arrière en hurlant et disparaître dans les fleurs du papier mural, mais il était trop pétrifié. Bouche bée une fois de plus, il contempla la chose, informe, énorme, dégoulinant, tentaculaire, qui oscillait et se balançait devant lui. « C'est un ami qui vous a recommandé à moi. Dites avec civilité la chose. » Silklin resta un long moment les yeux agrandis, mais sa main tremblante toucha par hasard le tas d'or. Il retrouva des forces. Vous vous adressez au bon endroit, dit-il en respirant par la bouche. Monsieur, pompe funèbre, il avala vigoureusement sa salive et se raidit. Pour toutes les occasions. Il prit sa plume, en dissipant du souffle la fumée verdâtre qui commençait à assombrir, assombrir la pièce. Le nom du défunt, demanda-t-il de sa voix commerciale. Eh bien, voilà, l'histoire est terminée. Elle a été traduite par Paul Hébert de The Funeral. Eh bien, la musique. Allez, The Dying Swan, un ballet de la Scala, s'il vous plaît. À tout bientôt. Passez une bonne semaine sur Radio Gémozo, 107 FM. À tout bientôt.